Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité. La Trinité au ciel, livre 15e. Chapitre 17. Comment l'Esprit Saint est appelé charité? Est-il seul charité? Charité est le nom propre que les Écritures donnent à l'Esprit Saint. Nous avons assez parlé du Père et du Fils, autant qu'il nous a été donné de voir à travers ce miroir et en cette énigme. Maintenant, avec cette même aide de Dieu, nous avons à parler du Saint-Esprit. D'après les Saintes Écritures, il n'est pas du Père seul, ni du Fils seul, mais des deux, et c'est pourquoi il éveille en nous l'idée de l'amour commun, par lequel le Père et le Fils s'aiment mutuellement. Mais la divine parole ne nous offre pas seulement des vérités faciles, afin d'exercer notre intelligence et d'enflammer notre ardeur, elle nous oblige à approfondir des choses obscures que le mystère enveloppe et qu'il faut tirer du mystère. L'Écriture ne dit donc pas « L'Esprit Saint est charité ». Si elle l'eût dit, elle eût déchiré le voile en grande partie, mais elle dit « Dieu est amour », Jean 4, 16. Elle nous laisse donc dans l'incertitude et nous force à chercher si c'est Dieu le Père qui est charité, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit, ou la Trinité Dieu. Car nous ne disons pas que si Dieu est appelé charité, ce n'est pas parce que la charité même est une substance qui mérite le nom de Dieu, mais nous dirons au contraire que la charité est un don de Dieu, dans le sens où le psalmiste lui dit « Vous êtes ma patience » Psaume 70, 4. Ce qui ne signifie pas que notre patience soit la substance de Dieu, mais qu'elle nous vient de lui, comme le même psalmiste le dit ailleurs « Car ma patience vient de lui » Psaume 61, 6. Les paroles mêmes de l'Écriture écartent donc cette interprétation. En effet, « Vous êtes ma patience » équivaut à « Seigneur, vous êtes mon espérance » Psaume 90, 9. Ou à « Mon Dieu, ma miséricorde » Psaume 58, 18. Et à beaucoup d'autres locutions de ce genre. Or, on ne dit pas « Seigneur, ma charité », ni « Vous êtes ma charité », ni « Dieu ma charité », mais « Dieu est charité », comme on dit « Dieu est esprit », Jean 4, 24. Que celui qui ne saisit pas ces distinctions demande l'intelligence à Dieu mais qu'il n'exige pas de nous d'autres explications, car nous ne pouvons rien dire de plus clair. Donc, Dieu est charité. Mais on demande s'il s'agit ici du Père, ou du Fils, ou du Saint-Esprit, ou de la Trinité elle-même, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu et non trois dieux. Nous avons déjà dit plus haut, dans cet ouvrage, qu'il ne faut pas voir l'image de la Trinité, qui est Dieu, dans les trois choses que nous avons indiquées dans la Trinité de notre âme, en ce sens que le Père serait la mémoire des trois personnes, le Fils l'intelligence et le Saint-Esprit la charité de ces trois mêmes personnes, comme si le Père ne comprenait pas et n'aimait pas par lui-même, mais que le Fils comprit pour lui, que le Saint-Esprit aima pour lui, tandis que lui, le Père, serait simplement sa mémoire et leur mémoire, que le Fils ne se souviendrait et n'aimerait pas par lui-même, mais que le Père se souviendrait pour lui, que le Saint-Esprit aimerait pour lui, tandis qu'il serait sa propre intelligence et leur intelligence, et qu'enfin le Saint-Esprit ne se souviendrait ni ne comprendrait par lui-même, mais que le Père se souviendrait pour lui, que le Fils comprendrait pour lui tandis qu'il serait son propre amour et leur amour. Tout au contraire, on doit entendre que les trois personnes possèdent ces trois choses et les ont chacune dans sa propre nature. De plus, il n'y a point, là, De différence comme chez nous, où la mémoire, l'intelligence et l'amour ou la charité sont choses diverses. Tout n'y fait qu'un, comme la sagesse elle-même, et tout est dans la nature de chaque personne, sous la forme de substance immuable et simple. Si donc tout cela a été bien compris, et si nous avons réussi à en faire ressortir la vérité, autant qu'il nous est permis de voir et de conjecturer dans un sujet si élevé, je ne vois pas pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit étant appelés sagesse, non trois sagesses, mais une seule sagesse. Pourquoi, dis-je, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne seraient pas aussi appelés charité, non trois charités, mais une seule charité. Car c'est ainsi que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que les trois ne font qu'un seul Dieu. Et cependant ce n'est pas sans raison que, dans cette souveraine Trinité, le nom de Verbe de Dieu n'est donné qu'au Fils, le nom de Don de Dieu n'est donné qu'au Saint-Esprit et celui de Dieu le Père au principe dont le Verbe est engendré et dont procède en premier lieu le Saint-Esprit. J'ai dit, en premier lieu, parce qu'on découvre que le Saint-Esprit procède aussi du Fils. Mais le Père a donné cela au Fils, non en ce sens que le Fils exista avant de l'avoir, mais tout ce que le Père a donné à son Verbe Fils unique, il le lui a donné en l'engendrant. Il l'a donc engendré de manière à ce que le don commun procéda aussi de lui, et que l'Esprit Saint fût l'Esprit des deux. Ce n'est donc pas rapidement et au vol, mais sérieusement qu'il faut considérer cette distinction au sein de l'indivisible Trinité. Voilà pourquoi le Verbe de Dieu a été proprement appelé sagesse de Dieu, bien que le Père et le Saint-Esprit soient sagesse. Si donc le nom de charité a pu être le nom propre d'une des trois personnes, à qui convient-il mieux qu'au Saint-Esprit ? En ce sens cependant, que, dans cette simple et souveraine nature, la substance et la charité ne soient pas choses différentes, mais que la substance elle-même soit charité, et la charité substance, soit dans le Père, soit dans le Fils, soit dans le Saint-Esprit, bien que le nom de charité soit proprement attribué au Saint-Esprit. C'est ainsi que sous le nom de loi on renferme toutes les écritures de l'Ancien Testament. L'apôtre, par exemple, citant ce passage d'Isaïe, « Je parlerai en d'autres langues, je tiendrai un autre langage à ce peuple », dit d'abord, « Il est écrit dans la loi, Isaïe 28, 11, 1, Corinthiens 14, 21. » Le Seigneur a dit, il est écrit dans la loi, ils m'ont haï gratuitement, Jean 15, 25. Bien que ces paroles soient du psalmiste, psaume 34, 19. D'autres fois, au contraire, ce mot s'applique proprement à la loi donnée par Moïse, la loi et les prophètes jusqu'à Jean. Matthieu 11, 13. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Idem, 22, 40. Ici c'est proprement la loi donnée au mont Sinaï. On renferme également les psaumes sous le nom des prophètes, et cependant le Sauveur a dit ailleurs, il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, Luc 24, 44. On voit qu'il distingue les psaumes des prophètes. Ainsi donc, tantôt le mot loi renferme sans exception les prophètes et les psaumes, tantôt il s'applique uniquement à la loi donnée par Moïse, de même tantôt on renferme les psaumes sous le nom des prophètes, tantôt on les en distingue. Si ce n'était pour éviter des longueurs dans un sujet si clair, nous pourrions prouver par beaucoup d'autres exemples qu'il est des expressions dont le sens est tantôt général, tantôt spécial. Je dis ceci pour faire entendre qu'il n'y a aucun inconvénient à donner le nom de charité au Saint-Esprit, bien que Dieu le Père et Dieu le Fils puissent aussi s'appeler charité. Donc, comme nous donnons proprement le nom de sagesse au Verbe unique de Dieu, quoique le Saint-Esprit et le Père soient aussi sagesse, ainsi donnons-nous proprement le nom de charité au Saint-Esprit, bien que le Père et le Fils soient aussi charité. Mais le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, a été expressément appelé sagesse de Dieu par l'apôtre qui dit « Le Christ vertu de Dieu, et sagesse de Dieu » 1 Corinthiens 1, 24. Quant au Saint-Esprit, nous trouverons en quel endroit il a été appelé charité, si nous étudions bien les paroles de l'apôtre Saint Jean, car, après avoir dit, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que la charité est de Dieu, il ajoute aussitôt, ainsi quiconque aime, est né, de Dieu. Qui n'aime point ne connaît pas Dieu parce que Dieu est charité. Ici il fait voir que la charité qu'il appelle Dieu est celle qu'il a dit être de Dieu. La charité est donc Dieu de Dieu, mais comme le Fils est né de Dieu le Père, et que le Saint-Esprit procède de Dieu le Père, il s'agit de savoir lequel des deux devra être appelé Dieu charité, car le Père est Dieu par lui-même et non Dieu de Dieu. Donc la charité qui est Dieu de Dieu, doit être le Fils ou le Saint-Esprit. Mais l'apôtre, après avoir parlé de l'amour de Dieu, non pas de celui que nous avons pour lui, mais de celui dont il nous a aimés, lui qui a envoyé son Fils, propitiation pour nos péchés, et après nous avoir exhortés à nous aimer les uns les autres afin que Dieu demeure en nous, Saint Jean, dis-je, continue, et comme il a appelé Dieu charité, il se hâte d'expliquer plus clairement sa pensée et dit. Nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, en cela qu'il nous a donné de son esprit. Ainsi l'Esprit Saint, dont Dieu nous a donné, fait que nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Or, c'est là l'effet de l'amour. L'Esprit Saint est donc le Dieu charité, et un peu plus bas, après avoir répété cela et avoir dit « Dieu est charité », il ajoute aussitôt « Qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui », ce qui lui avait fait dire plus haut. Nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, en cela qu'il nous a donné de son esprit. C'est donc l'Esprit Saint qui est désigné par ces mots. Dieu est charité. Donc, quand l'Esprit Saint, qui procède de Dieu, est donné à l'homme, il allume en lui l'amour de Dieu et du prochain et il est lui-même cet amour. Car ce n'est que par Dieu que l'homme peut aimer Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit peu après, « Nous donc, aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. » 1 Jean 4, 7 à 19. Et l'apôtre Paul dit à son tour, « La charité de Dieu est répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Romains 5, 5. Chapitre 18. Aucun don de Dieu ne l'emporte sur la charité. Ce don est le plus grand des dons de Dieu. Lui seul sépare les fils du royaume éternel des enfants de l'éternelle perdition. D'autres dons sont distribués par l'Esprit Saint mais ils sont inutiles sans la charité. Par conséquent, personne ne peut passer de gauche à droite, si l'Esprit Saint ne lui inspire l'amour de Dieu et du prochain. Ce n'est qu'à ce point de vue de la charité que l'Esprit est proprement appelé le don. Celui qui ne l'a pas, Parla-t-il les langues des hommes et des anges, et comme un airain sonnant et une cymbale retentissante, et quand il aurait le don de prophétie, qu'il connaîtrait tous les mystères et toute la science. Quand il aurait toute la foi, au point de transporter les montagnes, il n'est rien, et quand il distribuerait tout son bien et qu'il livrerait son corps pour être brûlé, cela ne lui servirait de rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Qu'il est donc grand ce bien, sans lequel de si grands biens ne saurait conduire personne à la vie éternelle. Or, cet amour ou cette charité, deux expressions pour la même chose, même quand celui qui le possède ne parle pas les langues, n'a pas le don de prophétie, ne connaît pas tous les mystères et toute la science, ne distribue pas tout son bien aux pauvres, soit parce qu'il n'en a point à distribuer, soit parce que ses propres besoins s'y opposent, ne livre pas son corps pour être brûlé, faute d'occasion de subir ce supplice. Cet amour, dis-je, le conduit au royaume éternel, et donne à la fois même tout son prix. Car, sans la charité, la foi peut exister, mais non être utile. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul, dans le Christ Jésus ni la circoncision ni l'incirconcision ne servent de rien, mais la foi qui agit par la charité, Galates 5, 6, distinguant ainsi cette foi de celle des démons qui croient et tremblent, Jacques 2, 19. Donc l'amour qui est de Dieu est Dieu, et proprement l'Esprit Saint par qui est répandu en nos cœurs la charité de Dieu, en vertu de laquelle la Trinité tout entière habite en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quoique Dieu, est à très juste titre appelé aussi don de Dieu. Et ce don, quel peut-il être au fond, sinon la charité qui conduit à Dieu, et sans laquelle aucun autre don de Dieu ne conduit à Dieu? Chapitre 19. Les Écritures appellent le Saint-Esprit don de Dieu. Le Saint-Esprit est proprement appelé charité, quoiqu'il ne soit pas seul charité dans la Trinité. Faut-il aussi prouver que les saintes lettres appellent le Saint-Esprit don de Dieu? Si on y tient, nous trouvons dans l'Évangile selon saint Jean ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et aussitôt l'évangéliste ajoute, il disait cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 37 à 39. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Mais on demande si c'est cette eau qui a été appelée don de Dieu, le don qui n'est autre que le Saint-Esprit. Eh bien, si nous voyons ici le Saint-Esprit désigné par l'eau, nous trouvons ailleurs, dans l'Évangile même, que cette eau est appelée don de Dieu. En effet, le Seigneur conversant près du puits avec la femme samaritaine et lui ayant dit, « Donnez-moi à boire », celle-ci lui répondit que les Juifs n'avaient point de commerce avec les Samaritains, sur quoi Jésus reprit la parole et dit, « Si vous saviez le don de Dieu et qui est celui qui vous dit, donnez-moi à boire, peut-être lui en eussiez-vous demandé vous-même, et il vous aurait donné d'une eau vive. » La femme lui répondit, « Seigneur, vous n'avez pas même avec quoi puiser, et le puits est profond, d'où auriez-vous donc de l'eau vive, etc. » Jésus répliqua et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Au contraire, qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 7 à 14. Cette eau vive étant l'Esprit Saint, D'après l'évangéliste, l'Esprit Saint est donc le don de Dieu, dont le Sauveur dit, si vous saviez le don de Dieu et qui est celui qui vous dit, donnez-moi à boire, peut-être lui en eussiez-vous demandé vous-même, et il vous aurait donné d'une eau vive. Et ce qu'il a dit ailleurs, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, équivaut à ce qu'il dit ici, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. Paul l'apôtre dit à son tour, à chacun de nous a été donnée la grâce selon la mesure du don de Jésus-Christ, et pour faire voir que le Saint-Esprit est ce don du Christ, il ajoute, c'est pourquoi l'Écriture dit, montant au ciel, il a conduit une captivité captive, il a donné des dons aux hommes. Éphésiens 4, 7, 8. Il est à la connaissance de tout le monde que le Seigneur Jésus étant monté au ciel après sa résurrection d'entre les morts, a donné le Saint-Esprit, et que les fidèles remplis de cet Esprit parlaient toutes les langues. Peu importe que l'apôtre ait dit, des dons, et non un don, il citait ce passage du psalmiste, vous êtes monté au ciel, vous avez conduit une captivité captive, vous avez reçu des dons pour les hommes. Psaume 67, 19. Car c'est ainsi que portent beaucoup d'exemplaires, notamment chez les Grecs, et c'est la traduction de l'hébreu. L'apôtre a donc dit, comme le prophète, des dons, et non un don, seulement comme le prophète avait dit, vous avez reçu des dons pour les hommes, l'apôtre a préféré dire, il a donné des dons aux hommes, pour que, de ces deux mots, l'un prophétique, l'autre apostolique, mais tous les deux appuyés sur l'autorité divine, il résulta un sens plus complet. Car tous les deux sont vrais, le Christ a donné aux hommes, le Christ a reçu pour les hommes. Il a donné aux hommes, comme le chef donne à ses membres, il a reçu pour les hommes, c'est-à-dire pour ses membres, pour ces mêmes membres en faveur desquels il a crié du haut du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Actes des Apôtres 9, 4. Et dont il est encore dit ailleurs, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Ainsi donc le Christ a donné du haut du ciel, et reçu sur la terre. Or, le prophète et l'apôtre ont dit tous les deux, des dons, parce que, par le don qui est le Saint-Esprit, bien commun de tous les membres du Christ, une multitude de dons propres sont distribués à chaque fidèle en particulier. Car tous n'ont pas les mêmes, les uns ceux-ci, les autres ceux-là, quoique tous possèdent le don duquel tous les dons particuliers dérivent, c'est-à-dire l'Esprit Saint. En effet, l'apôtre ayant énuméré ailleurs beaucoup de ces dons, ajoute, or, tous ces dons, c'est le seul et même Esprit qui les opère, les distribuant à chacun comme il le veut. 1 Corinthiens 12, 11. Expression qui se retrouve encore dans l'Épître aux Hébreux où on lit, Dieu ayant rendu témoignage par des miracles, par des prodiges, par différents effets de sa puissance et par les dons que le Saint-Esprit a distribués. Hébreux 2, 4. Et ici, après avoir dit, montant au ciel, il a conduit une captivité captive, il a donné des dons aux hommes, il ajoute, mais qu'est-ce? Il est monté, sinon qu'il est descendu auparavant dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplit toutes choses. Et c'est lui qui a fait les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs. Voilà pourquoi il a dit, des dons, parce que, comme il le dit ailleurs, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes ? 1 Corinthiens 12, 29. Mais ici il ajoute, pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, 7 à 12. Voilà la maison qui, comme le chante le psalmiste, se bâtit après la captivité. Psaume 126, 1. Parce que cette maison du Christ, qui s'appelle l'Église, est construite, formée de ceux qui ont été arrachés à l'empire du démon, dont ils étaient prisonniers. Or, cette captivité, celui qui a vaincu le démon, l'a conduite captive. Et, de peur que le démon entraînât avec lui au supplice éternel ceux qui devaient être un jour les membres de ce chef sacré, celui-ci l'a enchaîné d'abord avec les liens de la justice, puis avec ceux de la puissance. Et c'est le démon même qui porte ici le nom de captivité, de celle qu'a conduite captive celui qui est monté au ciel, qui a donné des dons aux hommes ou qui a reçu des dons pour les hommes. De son côté, Pierre l'apôtre, comme on le lit dans le livre canonique où sont écrits les actes des apôtres, entendant les Juifs touchés de compunction, dire « Que ferons-nous, mes frères, faites-le nous savoir », leur répondit « Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ en rémission de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint ». Actes des Apôtres 2, 37, 38. On lit encore dans ce livre que Simon le magicien offrit de l'argent aux apôtres pour acheter d'eux le pouvoir de donner l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Pierre lui répondit, « Que ton argent soit avec toi en perdition, parce que tu as estimé que le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent. » Idem, 8, 18 à 20. Et dans un autre endroit du même livre, après avoir raconté que Pierre parlait à Corneille et à ceux qui étaient avec lui, annonçant et prêchant le Christ, l'écrivain ajoute, Pierre parlant encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, et les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, s'étonnèrent grandement de ce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parlant diverses langues et glorifiant Dieu. Actes des Apôtres, 41 à 46. Plus tard Pierre rendant raison de ce fait, d'avoir baptisé des incirconcis, parce que l'Esprit Saint, pour trancher le nœud de la question, était descendu sur eux, même avant qu'ils fussent baptisés, rendant, dis-je, raison de ce fait à ses frères qui étaient à Jérusalem et qui avaient appris cela avec étonnement, finit en ces termes. Lorsque j'eus commencé de leur parler, l'Esprit Saint descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Alors je me souvins de la parole du Seigneur, lorsqu'il disait, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à ce que Dieu leur donna le Saint-Esprit ? Actes des Apôtres 11, 15 à 17. Il y a encore bien d'autres passages des Écritures, qui s'accorde à dire que l'Esprit Saint est le don de Dieu, en tant qu'il est donné à ceux qui aiment Dieu par lui. Mais il serait trop long de les citer tous. Et comment contenter ceux qui ne se contenteraient pas de ceux que nous avons rapportés? Du reste, puisqu'ils voient que le Saint-Esprit a été appelé don de Dieu, il faut les avertir que ces mots, don de l'Esprit Saint, doivent s'entendre dans un sens analogue à ceux-ci, par le dépouillement du corps de chair. Colossiens 2, 11. En effet, comme le corps de chair n'est pas autre chose que la chair, de même le don de l'Esprit Saint n'est pas autre chose que l'Esprit Saint. Il est donc don de Dieu en tant qu'il est donné à ceux à qui il est donné. Mais en lui-même il est Dieu, quand même il ne serait donné à personne, parce qu'il était Dieu coéternel au Père et au Fils, avant d'être donné à qui que ce soit. Et bien que le Père et le Fils le donnent, quoique donné, il ne leur est point inférieur, car il est donné comme don de Dieu, de manière à ce qu'il se donne lui-même comme Dieu. En effet, il est impossible de nier qu'il soit maître de lui-même, puisqu'on dit de lui, « L'Esprit souffle où il veut » Jean 3, 8. Et dans ce passage de l'apôtre que j'ai déjà cité, tous ces dons, c'est le seul et même Esprit qui les opère, les distribuant à chacun comme il veut. Il n'y a point ici dépendance chez celui qui est donné, supériorité chez ceux qui donnent, mais parfait accord entre celui qui est donné et ceux qui donnent. Donc, si la Sainte Écriture proclame que Dieu est charité, si la charité est de Dieu, si elle fait que nous demeurions en Dieu et Dieu en nous, et si nous connaissons par là qu'il nous a donné de son Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu charité. Ensuite, si la charité l'emporte sur tous les dons de Dieu et qu'il n'y ait pas de don de Dieu plus grand que le Saint-Esprit, quoi de plus logique que d'appeler charité celui qui est en même temps Dieu et de Dieu? Et si l'amour dont le Père aime le Fils et dont le Fils aime le Père, fait voir leur ineffable union, quoi de plus convenable que d'appeler proprement charité l'Esprit qui est commun aux deux? Car la foi saine, le sens droit nous dicte que l'Esprit Saint n'est pas seul charité dans la Trinité, mais qu'il est à juste titre appelé proprement charité, pour les raisons que nous avons dites. De même qu'il n'est pas non plus seul Esprit et seul Saint dans cette même Trinité, puisque le Père est Esprit et le Fils aussi, puisque le Père est Saint et le Fils aussi, ce que toute âme pieuse croit sans hésiter, et cependant c'est avec raison qu'on l'appelle proprement Esprit Saint. En effet, puisqu'il est commun aux deux, il porte proprement le nom de ce qui est commun aux deux. Autrement si, dans cette souveraine Trinité, l'Esprit Saint était seul charité, il en résulterait que le Fils ne serait pas seulement Fils du Père, mais aussi du Saint-Esprit. En effet, les textes nombreux où on lit que le Fils est le Fils unique du Père, n'ôtent rien à la vérité de ce que l'apôtre dit de Dieu le Père, qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. Il ne dit pas, de son Fils, ce qui serait de la plus parfaite vérité ce qu'il a souvent dit, mais, du Fils de son amour. Donc, si l'Esprit Saint était seul charité dans la Trinité, le Fils serait le Fils du Saint-Esprit. Or, si c'est là le comble de l'absurdité, il faut conclure que l'Esprit Saint n'est pas seul charité dans la Trinité, mais que c'est là son nom propre, comme je l'ai assez démontré. Quant à ces paroles, du Fils de son amour, il n'y faut voir d'autre sens que celui de Fils bien-aimé, et, en résumé, de Fils de sa substance. Car l'amour du Père, qui est dans sa nature d'une ineffable simplicité, n'est autre chose que sa nature même et sa substance, comme je l'ai dit tant de fois et ne crains pas de le répéter. Conséquemment le Fils de son amour n'est pas autre chose que celui qui a été engendré de sa substance. markemdanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.